Eh ben moi, The Walking Dead, en tout cas la série, c'est pour dire que eh ben j'aime bien. Et puis ben, le générique, quoi. Le générique. Voilà. Bonne émission, bisous, ciao. Blackbuster, c'est génial. Salut Blockbuster. Encore merci pour vos émissions, notamment celle sur les Watchmen qui m'a donné envie de voir la magnifique série à sa sortie. Et j'ai profité du confinement pour relire toute la BD et revoir le film. À quand une émission sur Breakfast Club, citée dans de nombreux films et séries américaines et qui est passée totalement inaperçue en France? Je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à refaire des passages pendant l'hiver, c'est que du bonheur. Ciao! Prends rendez-vous avec vous pour Oui, Blockbuster, bonjour. Je me posais la question si Watchmen était sorti, alors à la série, hein, la série télé, je parle, était sortie dans les années 60-70. Est-ce que le générique de Watchmen n'aurait pas été Watchmen? Ouais, salut Fred et toute l'équipe. Je voulais savoir, hein, si un jour, ou une prochaine année, une prochaine saison, tu auras l'occasion de parler pour moi d'un créateur de séries, producteur exécutif, etc., qui est très foisonnant, très prolifique, Berlanti, Grimm. Voilà, des bisous. To be or not to be, not to be. Je dois vous avouer un truc, je suis en vacances. À l'heure où vous m'écoutez, je suis sûrement... Oh, vous inquiétez pas, hein, je suis pas sur une plage à Cancun en train de boire des mojitos, j'ai pas non plus une vie si glamour que ça. Hein. Non, non, à l'heure qu'il est, soit mon fils est en train de me résumer les 24 tomes de One Piece qu'il a lu depuis 3 heures et j'ose pas lui dire que j'écoute plus ce qu'il me dit depuis 2 heures et demie, soit ma fille est en train de me demander de lui lancer un bâton imaginaire parce qu'elle a décidé d'être notre chien imaginaire. Donc voilà, c'est pas non plus des vacances dingue. Alors je sais qu'à la radio, en général, on ne dit pas quand on est en vacances, hein, on fait des faux passages d'antenne, on doit préserver cette illusion de toujours être sur le qui-vive. Mais bon, là, vu qu'on va vous rediffuser une émission sur Steven Spielberg qu'on a enregistrée il y a 2 ans, il est possible que vous vous rendiez compte d'un truc, hein. Donc je préfère vous le dire. En plus, je me plais à penser que vous êtes le genre d'auditeur à même de comprendre la nécessité d'un père à passer du temps avec ses enfants. D'autant que là, ça fait quand même 2 semaines qu'il m'appelle Frédéric et plus papa. Hein. L'autre fois, ma fille a fait un dessin, je lui demande pourquoi t'as dessiné le Covid à côté de maman, et elle me dit « C'est pas le Covid, c'est toi papa !» Parce que t'es comme le Covid, en été on sait pas quand tu vas arriver et on sait pas quand tu vas repartir. Donc là je me suis dit quand même faut que je fasse un truc. Donc voilà, aujourd'hui on vous rediffuse le blockbuster consacré à Steven Spielberg et demain, bim, un inédit sur Indiana Jones. Bon, faut que je vous laisse, il y a ma fille qui est en train de mordre le mollet du voisin. Veux-tu, arrête, veux-tu. France Inter, blockbuster. Juste ici ça va. Frédéric Siglis. Jean. Dans une minute, je fais sauter l'arche, Péloc. Je vois que vous n'êtes pas de ceux qui lâchent prise. À côté de lui, nous ne sommes que des fillettes. Tout ce que je veux, c'est la fille. Et si nous refaisons, alors votre fureur se passera de l'arche. Très bien, Jones. Vous gagnez. Faites-la sauter. Vous avez consacré votre existence tout entière à la recherche archéologique. L'arche d'Alliance renferme des trésors au-delà de vos aspirations les plus audacieuses. Vous voulez voir ces trésors comme je veux les voir. Indiana, nous ne faisons que passer à travers l'histoire. Ceci est l'histoire. Pour parler de ce faiseur de rêves, de sa carrière, de son style, de ses films et de ce qu'il représente désormais pour le cinéma américain et même mondialement, j'ai à mes côtés mes goonies à moi. Hein, tout d'abord, Nico Pratt. Nico bonjour. Pratt, bonjour. Vous êtes journaliste pop culture chez Rokirama et pour la chaîne MCM. Et nous sommes également avec François Barge-Prieur et Thomas Fouet, membres de l'association et rédacteurs pour les Fiches du cinéma. Et vous avez sorti un ouvrage collectif, hein, vous êtes nombreux, pour les sortilèges, qui s'appelle Les Sortilèges du Blockbuster, sorti le 23 novembre 2017 aux éditions Les Fiches du cinéma. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Alors ensemble, on va partir à la recherche du réalisateur qui ne s'est jamais perdu, de l'absence du père dans Les Dents de la Mer, et surtout, on va répondre à cette grande question dans E.T. Quand l'extraterrestre a le bout du doigt qui s'allume, est-ce qu'on est bien sûr que c'est son doigt? Pousse-toi.

calling all my friends, but they won't pick up. Found another room in a different place, sleeping through the day, and I dream the same. I don't wanna give, I don't wanna give too much. And I don't wanna feel, I don't wanna feel. C'était Haim avec Haino Olon. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci à notre équipe, Céline Hila à la réalisation, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castelot. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Jérémy Guillon et Ludovic Asselot. Je remercie évidemment mes invités, aujourd'hui Nico Prat, François Barge-Prieur et Thomas Fouet. Et je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. On va parler aventure et archéologie pour une émission spéciale Indiana Jones.